Voilà, frères et sœurs, hier nous étions au temple de Jérusalem, au moment où Zacharie était en train de servir le Seigneur et où il a cette apparition de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'il va être père de Jean, le grand prophète Jean, le nouvel Élie. Et puis, aujourd'hui, nous sommes 6 mois plus tard. Vous voyez, en 24 heures, on en a fait du chemin. 6 mois en 24 heures. Au bout de 6 mois, eh bien, nous arrivons à Nazareth. Nazareth, petite ville de rien du tout. Il faut imaginer Nazareth. Nazareth, c'est un petit village un peu perché sur une montagne, mais sur un coteau. C'est minuscule. Il y a quelques habitants, puis il y a une petite famille et une jeune fille qui est dans sa petite maison. Une toute jeune fille, elle a 16 ans. Elle a été promise en mariage à un homme merveilleux, qu'on sait très sage, très pur. Et alors elle est d'une pureté absolument admirable. Elle est très intrigante, cette jeune fille, mais elle est totalement inconnue. Elle est de ce petit village, probablement d'une famille aussi, qui vient d'un milieu sacerdotal. Et cette jeune fille qui a grandi à l'ombre du temple, habite maintenant à Nazareth. Et elle est inconnue du monde, toute simple, et cette jeune fille prie. Elle est un peu comme nous ce matin. Elle prie, elle aime le Seigneur, elle aime le Dieu d'Israël. Et depuis sa tendre enfance, depuis sa conception, elle est unie à ce Dieu d'Israël au fond de son âme. Il y a comme une communication directe avec ce Dieu qui lui parle, qui la soutient, qui la garde pure et en qui elle met toute son amour, toute sa vie, toute sa foi. Elle a une union tellement intime avec ce Dieu que, eh bien, ce Dieu décide de la choisir pour être celle qui va être la mère du Sauveur, celle qui va recevoir dans ses entrailles son Verbe divin, qui va pouvoir lui donner son corps, en qui il va pouvoir tisser l'humanité de Jésus. La Vierge Marie est donc là, et l'ange entre et s'adresse à elle. Sois sans crainte, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte. Vous voyez, Marie, c'est une enfant d'Israël, donc elle est formée aussi à l'école d'Israël, dans une forme de crainte de Dieu qui est très saine et très, très bonne, mais que Dieu veut transmuer en un amour extrêmement profond. Et Marie est dans cette crainte de Dieu et en même temps elle est dans cet amour, et Dieu veut que cette crainte devienne un amour pur, total. Sois sans crainte, tu vas concevoir, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Marie, de Jésus, pardon. Alors Vierge Marie reçoit cette annonce qu'elle va devoir concevoir de un fils qui sera grand, qui aura le trône de David son père, qui régnera pour toujours sur la maison de Jacob et dont le règne n'aura pas de fin. Et Marie, qui est toute pétrie de la parole de Dieu, qui connaît parfaitement les paroles des prophètes, comprend tout à ce moment-là. Elle sait très bien que l'ange qu'elle voit même à ce moment-là, dont elle ne doute pas de la présence, lui annonce que ça y est, le Sauveur d'Israël, le fameux Messie qu'on attend depuis si longtemps, eh bien va venir, mais qu'elle a été choisie pour être la mère du Messie. Alors, cette petite jeune fille, toute humble, si petite, eh bien, alors elle ne se demande pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, attention, elle y croit à 100%. Mais elle est quand même troublée. Et elle se demande comment ça va être possible, comment ça va se faire, non pas comment ça va être possible, parce que là, la question de la possibilité, elle la connaît, elle sait très bien que Dieu peut tout faire, mais elle a quand même une toute petite inquiétude pour elle-même. Elle se dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais devoir m'unir à un homme pour ça? Elle qui est toute consacrée à Dieu, elle sait qu'elle est promise en mariage à Joseph, mais avec Joseph, les choses sont très claires. Ils sont tous les deux consacrés au Seigneur. Ils se marieront pour pour satisfaire à la coutume du mariage, et parce qu'ils veulent s'unir tous les deux et se soutenir dans la vie, parce qu'ils veulent justement vivre de cette pureté tous les deux. Et donc elle se demande, est-ce qu'il va falloir qu'elle contrevienne à ce vœu qu'elle a fait de sa virginité, de ce don de son corps qu'elle a fait à Dieu. Et l'ange la rassure. Hein. Donc vous voyez, c'est pas du tout comme avec Zacharie qui se demande si c'est possible, qui n'y croit pas. Zacharie doute. Donc Zacharie va être puni. Il va perdre la voix. Il va devenir muet. La Vierge Marie, elle doute pas du tout. Se demande comment ça va se faire. Elle est inquiète pour son vœu. Et l'ange la rassure en lui disant « Mais l'Esprit Saint viendra sur toi. T'inquiète pas. Tout va se faire par le Saint-Esprit. Justement, ta virginité va être consacrée par le Saint-Esprit. Et tu vas conserver ta virginité comme c'est ton souhait, comme un signe de ta consécration à Dieu. » Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, et c'est pourquoi justement celui qui viendra ne sera pas juste un homme. Il viendra du ciel, il sera saint, il sera même appelé fils de Dieu. Et donc la Vierge Marie est toute rassurée, et à ce moment-là le Seigneur lui rappelle, hein, lui annonce que Élisabeth, sa parente, donc qui est de la même famille que Marie, elle aussi a conçu un fils, mais alors Élisabeth, c'est pas la même chose, elle n'est pas vierge, elle est stérile. Des femmes stériles qui conçoivent, on en voit tous les jours, même dans la Bible, il y en a plein. Mais là, pour la Vierge, c'est différent, elle est vierge, c'est totalement différent, on n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais parlé d'une affaire pareille dans la Bible, mais dans l'histoire sainte. Et donc l'ange lui annonce que Élisabeth a elle aussi conçu un fils, elle est dans son sixième mois, alors qu'on l'appelait la stérile. Et il termine par cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Cette parole qu'il faut que nous entendions nous aussi, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond, voici la servante du Seigneur. Alors il faut imaginer, toute la création, les anges, toute la création attend ce moment où enfin le Sauveur va pouvoir venir sur la terre. Et voyez comment Dieu fait. Il demande l'accord de sa créature, la Vierge Marie. Il attend que Marie dise oui, il attend que Marie acquiesce, qu'elle dise d'accord, fiat, que ta volonté soit faite, hein, que tout se fasse en moi selon ta parole. Et ce moment où Marie répond, c'est le basculement. L'ange descend, tout est prêt, Saint Jean est déjà en train d'arriver, tout est prêt, le Seigneur a tout préparé, et il attend simplement maintenant la dernière touche. Vous voyez, c'est comme quand on arrive à un mariage, on a tout préparé, et il y a un moment, tout le monde est là, est-ce qu'elle va dire oui? Et voilà, alors bien sûr, on ne doute pas qu'elle va dire oui à ce moment-là, mais quand même, on attend. Et à ce moment-là, la Vierge Marie dit oui. Et là, et on peut imaginer tous les anges qui sortent leurs instruments, et hop, on y va, c'est parti, la joie, la gloire, ça y est, le salut est démarré, c'est parti. Elle a dit oui, paf, c'est parti. Alors aujourd'hui, vous voyez, 20 décembre, on fait mémoire de ce moment-là, bien sûr, la fête c'est le 25 mars de l'Annonciation, mais on fait mémoire de ce moment-là pour nous réjouir vraiment de la venue du Sauveur qui est là, qui vient, qui va être déposé dans la crèche, et qui vient dans nos vies. Alors, frères et sœurs, si nous devons nous rappeler d'une seule chose ce matin, c'est de cette parole de l'ange qui nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si nous doutons que Dieu nous regarde, qu'il nous aime, que tout est dans sa main, toutes nos épreuves, que tout ce qui nous arrive, rien ne lui échappe, et qu'il veut en faire quelque chose, eh bien rappelons-nous que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.